Lord Glenarvan savait parfaitement à qui il avait affaire. Ses travaux géographiques en faisaient l'un des savants les plus distingués de la France. Voulez-vous me permettre, monsieur Paganel, de vous adresser une question? C'est avant-hier soir que vous êtes arrivé à bord de ce navire. Oui, Miller, avant-hier soir, à 8 heures. J'ai sauté du Caledonian Railway dans un cab et du cab dans le Scotia, où j'avais fait retenir de Paris la cabine numéro 6. La nuit était sombre. Je me suis mis au lit incontinent et j'ai consciencieusement dormi pendant 36 heures. Je vous prie de le croire. Vous avez une mission? Oui, un utile et curieux voyage à tenter aux Indes. Monsieur Paganel, dit Lord Glenarvan, pour le moment du moins, vous devez renoncer au plaisir de visiter les Indes, parce que vous tournez le dos à la péninsule indienne. Et ce navire n'est pas le Scotia. Quelle plaisanterie! S'écria-t-il. Mais en ce moment, ses yeux rencontrèrent la roue du gouvernail qui portait ses deux moines exergues. Duncan, Glasgow. Le Duncan? Le Duncan? Fit-il en poussant un véritable cri de désespoir.